On a beau dire chacun pour soi, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, ne trouve pas de logique là-dedans. Surtout quand on perd. Quand on perd, on est tous perdants. Car si l'un de nous perd, la vie, par exemple, nous perdons la vie. Oui. Quelle est la date d'aujourd'hui ? La date d'aujourd'hui, c'est la découverte de la nouvelle suivante. Un catharsis, Marco nous a quittés. Il était à Berlin quand il nous a quittés. Marco, dont je ne connais pas le nom de famille, dont la moitié des gens qui écoutent peut-être ne savent pas quel était son élan, et moi non plus d'ailleurs, car il était le seul à le savoir, et nous avons perdu cette notion. Nous avons perdu quelqu'un de la famille. Et la famille, c'est sacré en France. Eh bien, je vais vous dire, entre Marco et la patrie, je préfère largement Marco. Dommage, on a perdu un pote. Qu'il soit en haut ou en bas, on le retrouvera bientôt. L'espoir n'a pas besoin de trouver sa place là-dedans. Il est évident que l'on va tous mourir. Et dans Nuisance, la mort n'en est pas une nuisance. La mort, c'est la festoyance. C'est ça la festoyance, c'est la mort. Alors, pour toi Marco, du 1 catharsis, en CD, Mental Axiom, Les Rescapés de la télé, Apocalypse, Nuisance joue du Marco et uniquement du Marco ce soir. Un catharsis est mort. Vive un catharsis. bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM, la radio toulousaine, qui ce soir, dans Nuisance, l'émission qui nous sens d'environ 21h à 23h tous les vendredis, sur Canal Sud, avec Nuisance, donc, qui passe un petit coucou à un pote qui est décédé récemment, Marco, un catharsis qui est passé au Pavillon Sauvage, qui est passé à Mixart Meris, qui est passé dans sûrement plein d'autres lieux que vous connaissez ou pas. Adieu Marco. À très bientôt, j'espère. Marco, dont je n'ai jamais connu le nom de famille et je m'en tape complètement. Un catharsis. Pourquoi ils sont là? Bonsoir, salut, salut. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM, 40 rue Alfred Duméril, Toulouse, France. Téléphone le 05 61 53 36 95. N'appelez pas, s'il vous plaît, c'est gênant. Ensuite, vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances, l'émission du non-sens, l'émission de la nuisance. Ce soir, vous écoutez un catharsis. Un catharsis. Marco, de son prénom, je crois. Si c'était vrai, qu'importe. Et décédé à Berlin. Salut mon pote. Merci pour tout. Bonsoir, bonsoir, on vient d'écouter 1h14 minutes et 20 secondes, 21, 22 encore à battre, de un catharsis mixé à plusieurs fois un catharsis ou un catharsis seul. On va faire une petite pause de silence pour pouvoir se faire entendre. Marco, donc pour ceux qui n'ont pas encore entendu, ceci est un petit coucou à Marco, un catharsis, qui est parti cette semaine. Donc voilà, on va continuer avec un catharsis dans quelques instants. We'll be right back.

Marco est parti. Marco est parti. Marco est parti. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Un catharsis est mort. Et Nuisance est morte aussi ce soir pour être en compagnie une dernière fois de son bon ami un catharsis qui est parti cette semaine ailleurs ou pas, je sais pas, il est mort en tout cas. A plus, Marco. Nuisance ce soir. Pense à toi. Je vous laisse donc avec la programmation éclectique et un temps soit peu plus. Moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. De Canal Sud, la radio Libre ou Mourir. Pour cette soirée. Et vous allez pouvoir apprécier l'expérience sonique dans toute ou dans tout. Etc.